إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulillah, on continue dans notre explication de la aqidah de l'imam al-Humaydi, le charh de Usul al-Sunnah, on explique Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi, rahimahullah, qui est un parmi les imams des salafs. On est arrivé au troisième point parmi les fondements de la sunnah de l'imam al-Humaydi. Donc déjà, on a expliqué déjà trois points. Le premier, c'était qu'est-ce qui a rapport avec Al-Qadar ou Al-Qadar. Le deuxième, c'était qu'est-ce qui avait rapport avec la définition de Al-Iman, selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et ce troisième point, c'est qu'est-ce qui a rapport avec notre Aqidah, en ce qui concerne notre position envers les Sahaba. Notre position envers les Sahaba, radiyallahu anhum. Et donc, on est toujours rendu à ce point-là. Donc, on a réfuté déjà, parmi les groupes de Bid'a, parmi les points qui sont reliés à ces points-là, les Qadariyah, les Jabriyah, les Murji'ah, les Khawarij, les Mu'tazila en même temps, parce que dans l'Iman ils ont aussi une déviation, les Mu'tazila, c'est ceux qui croient en Al-Manzila bayn Al-Manzilatayn, ils croient que celui qui fait une kabira parmi les kabair, des péchés, ils disent il est ni mu'min ni kafir dans la dunya. Puis s'il meurt dans l'Akhira, il est dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est la position des Mu'tazila, ils rejoignent la position des Khawarij en ce qui concerne le hukum pour l'Akhira, ils disent qu'il est dans l'enfer pour l'éternité. Puis dans la dunya, ils ont inventé une nouvelle bid'a, une nouvelle innovation, ils disent il est ni mu'min ni kafir. Ça aussi, ça, on ne connaît pas cette parole-là, il y en a dans les paroles des salafs. Donc c'est une bid'a. Et donc on a réfuté ces groupes-là, et en ce qui concerne la position envers les Sahaba, eh bien, bien entendu, on réfute les Shia qui ont dévié sur cette question-là, qui font partie des gens de Bid'a, en général. Donc, alhamdoulilah, déjà on voit, seulement avec ces trois points-là, on a déjà réfuté une grande partie parmi les sectes et les groupes d'égarement qui prétendent appartenir à l'islam, ou qui prétendent appartenir à la Sunna. Donc, alhamdoulilah. Le cheikh, qui a fait le tahqiq de cette risala, il dit, يَقُولُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينِ وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرْ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانِ فَقَدْ إِسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَخَذَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه أن لا يرجع عمله إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما أخرجه ابن أبي زمانين في أصول السنة. Donc, il rapporte la parole de Ayyub al-Sakhtiani, qui est un des imams parmi les imams des salafs. Il dit, celui qui a aimé Abu Bakr, il a établi sa religion. Celui qui aime Omar, il a clarifié la voie. celui qui a aimé Othman, il a illuminé, il a été illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime Ali, radiallahu anhum, yani radiallahu anhu wa anhum ajma'in, il a pris l'anse la plus solide. Et celui qui a fait des belles éloges pour tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il a été innocenté de l'hypocrisie et du nifaq. Il s'est rendu lui-même innocent de l'hypocrisie. Et celui qui a rabaissé un parmi les sahaba, ou qui l'a détesté pour quelque chose en lui-même, alors c'est un mubtadi' qui a contredit la sunnah et les salaf al-salih. Et on craint pour lui que ses actions ne seront pas montées vers les cieux, jusqu'à ce qu'il les aime tous et qu'il soit en paix dans son cœur vis-à-vis d'eux. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Zamanayn dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Usul al-Sunnah aussi. Donc ça c'est un autre exemple parmi les paroles des salafs. ويقول أبو زرعة الرازي عند الإمام parmi les imams des salaf رحمه الله إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن الرسول صلى الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا وليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة أخرجه الخطيب في الكفاية. Donc le cheikh il mentionne encore une fois une parole de l'imam Abu Zur'a al-Razi, qui est un des imams parmi les imams des salafs. Et Abu Zur'a al-Razi, qu'est-ce qu'il dit? Il explique la position des salafs envers les sahaba et ceux qui leur manquent de respect. Il dit, si tu vois un homme qui rabaisse un parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est un zindiq. Zindiq, c'est le munafiq, c'est l'hypocrite, c'est l'hérétique. Donc si tu vois un parmi les gens qui se disent musulmans, qui insulte ou qui rabaisse un d'entre les sahaba, sache que c'est un zindiq. Okay? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran, ce qu'il a amené, et de même que le Coran, sont des vérités. C'est haq, c'est une vérité. Et ceux qui nous ont amené ce Coran, et ceux qui nous ont amené les différentes sunan, et les exemples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont uniquement les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous, on n'aurait jamais connu le Coran, on n'aurait pas pu connaître le Coran, on n'aurait pas pu connaître la sunna, sauf par l'intermédiaire des sahaba. Et c'est eux qui nous ont transmis la révélation. Donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, c'est pour dire que ils veulent, en attaquant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en les insultant ou en les rabaissant, ils veulent par ça, critiquer nos témoins, ceux qui ont été témoins de la révélation, ceux qui ont été témoins de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en faisant ça, ils annulent et ils arrivent à détruire le Coran et la Sunna. Parce que si tu arrives à insulter et à rabaisser ceux qui nous ont transmis cette révélation-là, ça veut dire que tu peux attaquer la révélation elle-même. Et donc, étant donné qu'ils n'ont pas le courage d'attaquer directement le Coran et d'attaquer directement la Sunna, ils prennent un autre moyen, une autre ruse, c'est qu'ils attaquent les sahaba et ils critiquent les sahaba et ils insultent les sahaba pour les rabaisser. Et indirectement, comme ça, ils arrivent à annuler le Coran et la Sunna. Et ça c'est la voix des rafidats, des shi'a rafidats comme vous le savez, qui utilisent cette méthode et qui insultent les sahaba. Et donc le cheikh il explique justement ce point-là et il dit donc que c'est eux qui méritent plus d'être critiqués et c'est eux qui méritent plus le jarh parce que ce sont des hérétiques, parce que ce sont des hypocrites, des anadiqa. Okay? Et ça, c'est rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Kifaya. Donc, ça, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on a dit, ou qu'est-ce qui a été dit à ce sujet. En ce qui concerne la suite de la citation de l'imam Al-Humaydi au sujet des Sahaba, quand il cite les paroles de l'imam Malik ibn Anas, l'imam Malik ibn Anas, bien entendu, c'est l'imam de Dar al-Hijra, qui est mort en l'an, qui est né en l'an 93 et qui est mort en l'an 179 Hijri, rahimahullah, qui est un des imams, parmi les imams des Salaf al-Salih. Et Ali, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh à son sujet? Ahadu a'lamul islam. C'est un des grands ulama de l'islam. Sahibul madhab al-ma'ruf. C'est à lui qu'est attribué le madhab bien connu, le madhab al-maliki. Et wa kana thiqatan wara'an ma'munan hujja. Il était un homme connu pour sa fiabilité, sa piété. Et qui était une personne honnête. Et qui était considéré comme une référence dans la religion. L'imam Malik, rahimahullah. L'imam al-Shafi'i, ذكر الذهبي في العبر عن الإمام الشافعي أنه قال إذا ذكر العلماء إذا ذكر العلماء فمالك فمالك النجم. Qu'est-ce que l'imam al-Zahabi a dit dans son livre, Al-Ibar? Par rapport, il a cité les paroles de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i disait, parmi les ulama, l'imam Malik est comme une étoile. C'est pour montrer le respect que l'imam al-Shafi'i avait pour l'imam Malik, puisqu'on sait que l'imam al-Shafi'i a étudié avec l'imam Malik, et il a mémorisé al-Muwatta de l'imam Malik. Donc il fait partie des étudiants de l'imam Malik, rahimahullah. Dufina bil-Baqi', il a été enterré dans al-Baqi', alayhi. Il dit rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc ça fait partie des grands imams parmi les imams de la Sunna, et il fait partie de ceux justement qui ont défendu les sahaba contre ceux qui voulaient les attaquer ou les critiquer. Et il a mentionné cet exemple là dans le verset dans sourate al-Hashr au sujet de ceux qui insultaient les sahaba et qui n'avaient pas le droit au fait. Et il y a l'autre exemple aussi qui est cité dans les livres de Aqida par les ulama, qui cite le verset dans sourate al-Fath à la fin, Muhammadur Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar rahama'u bainahum. Et puis après dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar. C'est-à-dire que les sahaba, la signification du verset, c'est que les sahaba, ils éblouissent. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé les sahaba à une plante qui pousse, et qui sera fermée, et qui sera fermée et qui éblouit les cultivateurs, et liyariza bihim al-kuffar, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala met la rage dans le cœur des kuffars. Il met la rage et la haine dans le cœur des kuffars par les sahaba. Parce que les kuffars n'aiment pas les mu'minines. Et ils n'aiment pas les mu'minines en particulier qui sont forts sur leur foi et qui sont fermes sur leur iman. S'ils voient un musulman qui est faible, ils vont le détester, mais ils vont moins le détester. Mais s'ils voient un mu'min qui est fort sur sa foi, qui est ferme sur son iman et sur la sunna, ils le détestent plus. Et donc, ils mettent les sahaba qui étaient fermes dans leur iman mettaient la rage dans le cœur des kuffars. Et donc, l'imam Malik a utilisé ce verset-là pour dire quiconque déteste les sahaba, il fait partie des kuffars. Parce que Allah a mis la rage dans le cœur des kuffars contre les sahaba. Donc si quelqu'un se dit musulman, il a la rage contre les sahaba dans son cœur, c'est la preuve que c'est pas un musulman, c'est la preuve que c'est un kafir. Donc il a utilisé ce verset-là pour faire le takfir des rafidah. Donc ensuite, parmi les articles de la sunna qui sont mentionnés dans cette aqida, il dit والقرآن كلام الله والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا. Donc un des articles parmi les articles de la sunna, c'est de croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, j'ai entendu Soufiane ibn Uyayna, parce que l'imam al-Humaydi était l'élève de un des meilleurs élèves, un des plus grands élèves de l'imam, Soufiane ibn Uyayna. Donc il dit, j'ai entendu Soufiane ibn Uyayna ibn Maymoun, al-Hilali, al-Kufi, muhaddith al-Haram al-Makki, ولد بالكوفة سنة 107 هجريا سكن مكة إمام حافظ ثقة قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب الحجاز توفي بمكة سنة 198 donc l'imam Sufyan ibn Uyayna son nom c'est Sufyan ibn Uyayna ibn Maymoun al-Hilali al-Kufi. C'est un parmi les grands savants, parmi les salafs. C'est le muhaddith du haram de la Mecque. C'était lui à l'époque qui était le muhaddith de Mecque. Okay? Et il est né à Koufa en l'an 107. Pardon. Il est né à Koufa en l'an 107. Il a vécu à Mecque. Et il est un hafiz, un imam. Et il est siqa, il est fiable. Considéré comme un des grands rapporteurs de hadith. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, si ce n'était de l'imam Malik et de l'imam Soufyan ibn Uyayna, la science serait partie de al-Hijaz. Hein? C'est eux qui ont préservé la science dans cette région du monde musulman. Et donc, comme les ulama l'ont expliqué, l'imam Soufyan ibn Uyayna était l'équivalent de l'imam Malik à Mecca. L'imam Malik rahimahullah était l'imam de Medina et l'imam Soufyan ibn Uyayna à la même époque était l'imam de Mecca. Donc il fait partie des contemporains de l'imam Malik et c'est donc un des grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc l'imam al-Humaydi il dit qu'il a entendu son cheikh l'imam Soufyan ibn Uyayna qui disait que le Coran est la parole d'Allah. Et celui qui dit qu'il est créé, c'est un mubtadi'. On n'a jamais entendu quelqu'un dire une chose pareille. C'est-à-dire entendre, on n'a jamais entendu quelqu'un dire que le Coran est créé. Ça, c'est une citation qui est mentionnée ici dans cette aqidah de l'imam al-Humaydi. Et on va lire d'autres exemples des paroles de l'imam Ibn Uyayna à ce sujet-là. Parce que le cheikh qui a fait le tahqiq de cette risala, il dit لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ ولكن أخرج الإمام أخرج الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في السنة بسنده عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Donc ça c'est la position de l'imam Soufyan ibn Uyayna et la position des autres imams de Ahl Sunnah wal Jama'a, que celui qui dit que le Coran il est créé, il est kafir. Et celui qui doute que c'est un kafir, il est lui aussi kafir. Hein? Donc ça c'est les paroles de l'imam Soufyan ibn Uyayna. Parce que le cheikh qui a fait le tahqiq, il dit, je n'ai pas trouvé la citation de l'imam Soufyan ibn Uyayna telle qu'elle est mentionnée dans l'aqidah de l'imam al-Humaydi tel quel. Mais il rapporte d'autres citations qui ont été mentionnées dans d'autres références et il cite justement les paroles de l'imam Soufyan ibn Uyayna rapportées par le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre As-Sunnah. Il dit, il rapporte avec la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Soufyan ibn Uyayna qui a dit « Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal et celui qui dit qu'elle est créée, il est kafir. Et celui qui doute de sa mécréance, il est lui aussi kafir. » Donc, c'est pour dire que les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord que celui qui doute, hein, ou celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafir. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dans sa Nouniya, il a rapporté que 500 parmi les imams d'Ahl Sunnah ont confirmé que celui qui disait que le Coran est créé, il est kafir. Donc, il y a l'ijma des salafs à ce sujet-là. Et en mentionnant ce point-là, il vient réfuter qui? Il vient réfuter les gens de Kalam parmi les gens de Bid'ah, comme les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira, qui disent que le Coran est créé. Hein? Donc ça c'est des sectes, parmi les sectes d'égarement, qui disent que le Coran est créé. Les Jahmiya, les Jahmiyyah qui sont les plus extrémistes, les plus égarés, après les Mu'tazila et après les Asha'ira et les Maturidiyya aussi qui disent que le Coran est créé. Et à ce sujet-là, on sait qu'il y a eu une grosse fitna parmi les musulmans à l'époque. Hein, qu'est-ce qu'on appelle fitnatu khalq al-Qur'an. Mihnatu khalq al-Qur'an. À l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a eu les inquisitions à ce sujet-là. Hein. On forçait les gens à dire ça, à dire que le Qur'an est créé. Et ceux qui refusaient, ils étaient torturés, battus, emprisonnés, ou même tués parfois. Hein. Et l'imam Ahmad, comme on l'a dit dans le premier cours qu'on a fait sur ça, il a été parmi les ulama qui ont tenu tête, hein, qui ont tenu tête à cette fitna. D'autres ulama ont aussi pris des positions, mais l'imam Ahmad a pris la position la plus ferme. Et c'est lui qui a argumenté et débattu avec les Mu'tazila et défendu la aqida d'Ahl al-Sunnah et qui a refusé jusqu'à la fin de dire la parole qu'on lui forçait de dire. L'imam Shafi'i, rahimahullah, hein, comme ça a été rapporté à son sujet, il a trouvé un autre moyen pour se sauver de cette fitna. Hein. Il a mentionné l'exemple, hein, si je me souviens bien, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis au sujet du Coran, est-ce qu'il est créé ou non? Lui, il a répondu, il a dit, hein, si je me souviens, il a dit, At-Torah, wal-Injil, wal-Zabur, wal-Qur'an, kullu hadihi makhluqa. Hein? Il a pointé sur ses doigts, il a dit, hein, il a pointé ses doigts, il a pointé ses doigts, il a dit, la Torah, il a dit l'Injil, le Zabur et le Coran, et en pointant ses doigts, il a dit, tous ces quatre sont créés. Et lui, l'imam Shafi'i, il pointe sur ses doigts en voulant dire, mes doigts sont créés. Et eux, ils pensent qu'ils parlent des livres. Hein. Donc ça, c'est une façon comment l'imam Shafi'i a utilisé cette méthode pour se sauver justement de la torture ou de la fitna de la part de ces Mu'tazila à l'époque. Mais l'imam Ahmad ibn Hanbal fait partie des ulama, comme on a dit, qui ont résisté. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire à ce sujet-là. Donc, ensuite, il mentionne une autre parole encore une fois de l'imam ibn Uyayna. Il dit « Akhraj al-Ajurri fi al-Shari'a wa Abdillah ibn Ahmad fi al-Sunnah wa al-Lalaka'i fi sharh usul al-Sunnah wa al-Khatib al-Baghdadi fi tarikh Baghdad وابن عثمان الواسطي قال سمعت ابن عيينة يقول ما تقول هذه الدويبة يعني بشرا المريسي قالوا يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذبا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن. Donc, cette parole est rapportée également par l'imam Sufyan ibn Uyayna, hein, dans différents livres de la Sunna, comme al-Sharia de al-Ajurri, et al-Sunna du fils de l'imam Ahmad, et al-Lalaka'i dans Sharh Usul al-Atiqad, al-Sunna wal-Jama'a, et al-Baghdad, al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad, et d'autres également ont mentionné qu'ils ont entendu que Othman, Ibn Othman al-Wasiti a entendu l'imam Ibn Uyayna qui disait, qu'est-ce qu'il dit celui-là en parlant de Bishr al-Murisi, et ils ont dit, il prétend que le Coran est créé. Alors il a dit, il a menti. L'imam Sufyan Ibn Uyayna a dit, il a menti. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ala lahu al-khalq wal-amr. C'est-à-dire, certes, c'est à Allah qu'appartient al-khalq, la création, et le commandement, al-amr, l'ordre. Et donc, il a dit, l'imam Sufyan ibn Uyayna, il a expliqué, il a dit, Al-Khalq, la création, c'est la création d'Allah, et Al-Amr, c'est le Coran. C'est-à-dire, Al-Khalq, dans ce verset, la création, c'est qu'est-ce qu'Allah a créé. Et Al-Amr, l'ordre, c'est le Coran, et l'ordre, bien entendu, d'Allah, il n'est pas créé, c'est sa parole. Hein. Et, قال l'imam al-Lalaka'i, عقب هذا الأثر وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن مهدي الزهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي إلى آخرهم. donc le cheikh il dit que l'imam al-Alaka'i, après avoir cité cette citation de l'imam Ibn Uyayna, il dit que l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit ça aussi, de même que Nu'aym ibn Hammad et Muhammad ibn Yahya et Abdus Salam ibn Asim al-Razi et les autres imams qu'il a mentionnés. Donc ils étaient tous d'accord, ils ont tous dit la même parole, ils ont tous dit cette parole-là. Hein? Ensuite il dit « Wa akhraj al-Bukhari fi khalq af'al al-ibad » عن عبد الرحمن بن عفان قال ذكر أيام سفيان بن عيينة المسألة التي ضرب فيها المريسي فقام ابن عيينة من مجلسه غاضبا فقال ويحكم القرآن كله كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المندكر حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر ابن كدام أو كدام قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله وما أشبه هذا القول بقول النصارى فلا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. donc il y a les paroles de l'imam Ibn Uyayna, encore une fois, qui sont mentionnées par Al-Bukhari dans Khalq Af'al al-Ibad. C'est un livre que l'imam Al-Bukhari a écrit pour réfuter les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Donc, dans ce livre, il cite les paroles de l'imam Ibn Uyayna. En fait, c'est Abdurrahman Ibn Affan, il dit, on a mentionné la période ou l'époque de Sufyan ibn Uyayna, à son époque on a mentionné la question, à l'époque de Sufyan ibn Uyayna on a mentionné la question au sujet de laquelle Bishr al-Murrisi avait commencé à frapper les gens, c'est-à-dire la question qui a rapport avec le fait de dire que le Coran est créé. Donc Ibn Uyayna, quand il a entendu mentionner ce sujet-là, il s'est mis en colère. Et il a dit, malheur à vous, tout le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'étais le compagnon où j'ai rencontré les imams avant moi, les grands imams avant moi, ceux qui étaient les imams avant moi, comme Amr ibn Dinar et Ibn al-Mundakar, et il a mentionné également Mansour et Al-A'mash et d'autres parmi les ulama, et il dit qu'ils ont parlé au sujet de Al-I'tizal, c'est-à-dire contre les sectes des Mu'tazila, et contre les Rafida, et contre les Al-Qadari, à ceux qui nient la prédestination, ils ont tous ordonné de nous écarter de ces gens-là. Et on ne connaît rien à propos du Coran, excepté que c'est la parole d'Allah. Donc c'est la parole d'Allah. Et quiconque dit autre que ceci, c'est-à-dire quiconque dit autre que le Coran c'est la parole d'Allah, alors sur lui est la malédiction d'Allah. Enfin, alayhi la'natullah. Et il dit, comme cette parole, la parole de ceux qui disent que le Coran est créé, il dit, comme elle ressemble à la parole des chrétiens. Il dit donc, ne vous assoyez pas avec eux et n'écoutez pas leurs paroles. Donc il nous ordonne de nous couper et de ne pas nous asseoir et de ne pas côtoyer, de ne pas fréquenter, de ne pas parler avec ces gens-là, parmi les gens de Bid'ah, parmi ces gens-là donc. Et bien entendu, le fait que le Coran soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des points qui sont reliés avec la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la parole d'Allah, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle ne peut pas être créée, puisqu'il n'y a rien des attributs d'Allah qui est créé, d'accord. Donc ça c'est un des points qui est très important à comprendre. Et Allah dans le Coran, il mentionne que le Coran est sa parole, il dit, « Yasma'una kalam Allah », il mentionne que c'est sa parole, il dit, « Wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'mana » Si si un parmi les mouchriquins te demande la protection, alors donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite ramène-le à l'endroit où il veut aller en toute sécurité. Hein? Donc ça c'est la preuve que le Coran, c'est la parole d'Allah. Il y a beaucoup d'autres preuves et d'autres versets à ce sujet-là. Donc c'est une des réputations parmi les preuves qui réfutent l'égarement et le mensonge des gens de Bid'a à ce sujet-là. Donc ça c'est ce qui a rapport avec la question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran. Mais plus spécifiquement au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran. Donc ensuite on passe à un autre point qui est le point numéro 5 parmi les fondements de la aqida de l'imam al-Humaydi, et c'est ce qui a rapport avec le fait que la foi elle augmente et elle diminue. On a parlé dans le cours précédent de qu'est-ce qui a rapport avec l'iman et sa définition. Maintenant le cheikh il va mentionner, ou l'imam al-Humaydi il mentionne un point plus spécifique qui a rapport avec la position des salafs yani au sujet de l'augmentation et de la diminution de la foi. Donc il dit « وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. Donc l'imam al-Humaydi il dit « J'ai entendu Soufyan, mon cheikh » Il disait que la foi, c'est une parole et une action. Elle augmente et elle diminue. Alors, son frère, le frère de l'imam, Soufyan ibn Uyayna, qui s'appelait Ibrahim, et Ibrahim ibn Uyayna, c'est Abu Ishaq. Ibrahim ibn Uyayna, akhu Soufyan ibn Uyayna. Et c'était un imam, kana imaman khayran. وقال ابن معين كان مسلما صدوقا ولم يكن من أصحاب الحديث توفي سنة 199. Donc l'imam ibn Ma'in a dit à son sujet, au sujet du frère de Soufyan ibn Uyayna, Ibrahim ibn Uyayna, c'était un musulman honnête, mais il ne faisait pas partie des savants de hadith. Il ne faisait pas partie des savants de hadith. Il est mort en l'an 199 Hijri. Donc il dit, l'imam Soufyan ibn Uyayna a dit la foi, c'est une parole et une action. Elle augmente et elle diminue. Alors son frère Ibrahim a dit, oh Abba Muhammad, Abba Muhammad c'est la kunya de Soufyan ibn Uyayna, il dit, oh Abba Muhammad, ne dis pas qu'elle diminue, à propos de la foi. Alors Soufyan ibn Uyayna s'est mis en colère. Et il a dit, tais-toi, au petit, au mon enfant, parce que c'était son petit frère, il a dit, écoute, il y a Sabi, Sabi c'est un petit garçon, un enfant. Il dit, certes, elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, c'est-à-dire, elle peut diminuer la foi à un point qu'elle devient rien du tout, il n'en reste plus. Donc, c'est la preuve que la foi peut diminuer. Et que ça c'est l'explication de l'imam Soufyan ibn Uyayna à ce sujet-là. Et donc le cheikh qui a fait le tahqiq de cette risala, il mentionne des exemples des paroles des salaf à ce sujet. Il dit akhraja al-Adani fil iman wa ibn Abd al-Barr fil tamhid wa ibn Battah fil ibana wa al-Lalaka'i fi sharh i'tiqad usul ahl as-sunnah والآجر في الشريعة والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث في هذا المعنى ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الأوزاعي رحمه الله أنه سئل عن الإيمان أيزيد قال نعم حتى يكون كالجبال وقيل فينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. Donc, il mentionne que la parole qu'on vient de lire au sujet de Soufyan ibn Uyayna, elle a été rapportée par différents imams dans différents livres de la Sunna. Puis ensuite, il dit que la même signification, elle a été rapportée également dans le livre de l'imam al-Lalaka'i, Sharh Usul Iqtiqad Ahl-Sunna wal-Jama'a, selon l'imam al-Awza'i, qui était l'imam de Al-Sham à l'époque. L'imam al-Awza'i était l'équivalent de l'imam Malik, mais dans la région de la Syrie à l'époque. D'accord? Il fait partie des grands imams parmi les imams des Salaf. Et donc, l'imam al-Awza'i, rahimahullah, on lui a posé la question au sujet de la foi. Hein? On lui a posé la question au sujet de la foi. Est-ce qu'elle augmente? Il a dit oui, jusqu'à ce qu'elle devienne comme les montagnes. Et on lui a posé la question, et est-ce qu'elle diminue? Il a dit oui, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Donc c'est pour dire que la foi, elle augmente et elle diminue. Et il mentionne également des paroles dans ce sens-là, rapportées par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, et il y a d'autres citations également par dans les paroles des salaf à ce sujet-là. Donc ça c'est un autre point parmi les points des fondements de la sunna qui viennent réfuter les murji'a et les khawarij à ce sujet-là. Ensuite, il y a le point numéro 6 qui est al-iqrar bil-ru'ya ba'd al-maut. C'est-à-dire tu crois en le fait que après la mort, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et c'est ça, l'iqraru bi ru'yati ba'da al-maut. Donc le cheikh qui fait le tahqiq de ce livre, il dit ajma'a ahlu sunnati wal jama'a ala anna Allah yura yawm al-qiyama fil jannah yarahu al-mu'minuna ayanan bi absarihim kama نرى الشمس والقمر إذا لم يحل دونهما حائل من غير أن يلحقهم ضيم أو مشقة في الحصول على هذه الرؤية والأدلة على هذا في الكتاب والسنة صريحة لا تحتمل التأويل وصحيحة لا تقبل الرد ولم يتعرض لتأويلها أو ردها إلا المعتزلة والجهمية والخوارج ومن تبعهم ممن حادوا عن الصواب. Donc le cheikh il dit que les imams et les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord, ils sont tous ensemble sur le fait que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection dans le paradis. Les croyants vont le voir avec leurs yeux, avec leurs propres yeux, comme on voit le soleil ou la lune, comme on peut voir le soleil ou la lune. Et quand il dit qu'on peut le voir comme le soleil et la lune, il dit comme on peut les voir lorsqu'il n'y a rien qui nous empêche de les voir dans le ciel, c'est-à-dire avec les nuages ou des choses qui pourraient nous obstruer la vue. Et également, non seulement ça, mais sans qu'on ait aucune difficulté pour le voir. Parce que des fois, comme par exemple, quand il y a une grande foule qui est rassemblée, puis qu'il y a quelque chose qu'on veut voir, des fois le fait qu'on ait beaucoup de monde, et qu'il y en a qui sont grands, d'autres qui sont petits, il y en a qui se bousculent pour essayer de regarder quelque chose, eh bien, quand on voit la lune dans le ciel, on n'a aucune difficulté pour la regarder, même si on est tous ensemble dans une grande foule. Eh bien, de la même façon, on n'aura aucune difficulté pour voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et on va pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala comme on peut voir la lune et le soleil dans le ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et le cheikh il dit que cette croyance, cette aqida, le fait de croire en le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, elle est confirmée par les preuves du Coran et de la Sunna de façon très explicite et claire, qui ne peuvent pas être interprétées autrement ou déformées, et par des textes qui sont authentiques qu'on ne peut pas rejeter. Donc il dit وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَأْوِيلِهَا, il dit personne n'a essayé de déformer le sens de ces textes ou de les rejeter, excepté les Mu'tazila et les Jahmiyyah et les Khawarij et ceux qui les ont suivis parmi les gens qui ont dévié et qui sont rentrés dans une position qui est contraire à la vérité. Donc c'est ceux-là qui ont nié ces aspects-là de la Aqidah. Et ils ont réfuté ces et ils ont réfuté cette chose-là en se basant sur des shubuhat, les shubuhat, et non pas en se basant sur les textes et les preuves du Coran et de la Sunna, bien entendu. Hein? Donc ils se basent sur l'idée que, barakallahu fik, ils se basent sur l'idée que, par exemple, ils disent, si on affirme que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, ça, ça impliquerait que yani Allah subhanahu wa ta'ala serait dans une direction, ou ça impliquerait qu'il aurait un corps, ou qu'il serait ainsi de suite. Il y a des shubuhat qu'ils prennent de la philosophie ou d'autres arguments de shubuhat parmi les arguments soi-disant rationnels qu'ils ramènent. Bien entendu, ces arguments-là ne tiennent pas la route, yani, parce que, bien entendu, elles sont facilement réfutables. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir » C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble, et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Donc, on va le voir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous permettre de le voir ce jour-là, et il n'y a rien qui lui ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Parmi les preuves dans le Coran du fait qu'il y aura cette vue au jour de la résurrection, il y a les textes suivants. ومن الأدلة الواردة في القرآن على حصول الرؤية في الجنة للمؤمنين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة وقد بين الحافظ ابن القيم يعني رحمه الله وجه الدلالة في هذه الآية على الرؤية فقال وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعد بإلى خلاف حقيقته يعني وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. Donc le cheikh explique que parmi les preuves de l'affirmation du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il y a le verset dans sourate Al-Qiyam, le verset 22 et 23, c'est-à-dire ce jour-là il y aura des visages éclatants, hein, qui vont être éclatants, resplendissants. Ila rabbiha nazira, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leur Seigneur. Hein. Ces visages vont regarder leur Seigneur. Et Al-Hafiz ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il explique que dans ce verset-là, c'est la preuve que le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est réellement le fait qu'on va le voir avec nos yeux. Et yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset ila rabbiha. Donc quand tu utilises le verbe navara avec l'article qui suit ila, ça implique que c'est une vision avec les yeux. Et donc ça réfute les ta'wil des Mu'tazila qui essaient de prétendre que ça veut dire autre chose que de regarder avec les yeux. Et donc, yani, ça c'est les explications de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Hadi al-Arwah en résumé. ومن أدلة السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه الحديث. Donc ici le chef dit parmi les preuves de la sunna il y a qu'est-ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que les gens ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on va voir notre Seigneur au jour de la résurrection? Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, est-ce que vous avez de la difficulté à voir, à voir la lune lorsqu'il y a la pleine lune? Hein? Ils ont dit non au messager d'Allah. Il a dit, et est-ce que vous avez de la difficulté à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Hein? Ils ont dit non au messager d'Allah. Alors, il a dit, alors certes vous allez voir votre Seigneur, et Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les hommes au jour de la résurrection. Hein? Et là, et Allah va dire, suivez ce que vous adoriez dans cette vie. Et les gens vont suivre ce qu'ils adoraient vers l'enfer. Et le hadith est très long. Hein? Donc il a juste cité cette partie-là. Donc ça c'est une preuve parmi les preuves, hein, que, bien entendu, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. قال تقي الدين ابن قدامة المقدسي أجمع أهل العلم واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam ibn Qudama al-Maqdisi, il dit que tous les hommes de science, hein, sont tous d'accord, et les gens du tawhid et de la sincérité sont tous d'accord qu'on va voir Allah dans l'au-delà. Comme c'est rapporté dans le livre et comme c'est rapporté de façon authentique de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça fait partie des fondements de l'aqidah d'Ahl Sunnah. Et ça, ces paroles-là sont rapportées dans Al-Iqtisad ou Fil-Iqtiqad, qui est un des livres écrits par l'imam Ibn Qudama Al-Maqdisi, hein, au sujet des fondements de la Sunnah, hein, dans l'islam. Donc écrit par l'imam Ibn Qudama. Donc ça c'est encore une fois la position des salafs à ce sujet-là, contrairement aux groupes de bid'a et d'égarements parmi les Mu'tazila, les Jahmiya, les Mu'tazila et yani également les Asha'ira et aussi les Khawarij, comme les Ibadiyya par exemple, qui refusent d'affirmer qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et vous les retrouvez dans leurs livres, même aujourd'hui les Ibadiyya, il nie qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et ils ont suivi là-dedans les Mu'tazila, bien entendu. Donc ça fait partie des points, parmi les points de la Sunna. Maintenant on rentre dans un autre point, je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'instant. On va pas rentrer dans le point numéro 7 parce que c'est un point qui est plus long. On a besoin de plus de temps pour l'élaborer. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, puis on continuera ça demain, inshallah. Donc je m'arrête. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.